Communion au village. C'est la semaine des premières communions. Depuis quelques jours, antithèse malgré tout charmante et faite pour toucher les païens les plus endurcis, on ne rencontre dans la rue parisienne, que fillettes en blanc et garçonnets frisés de la veille qui portent, non sans un peu d'orgueil coupable, le brassard de satin blanc orné d'une frange d'or sur la manche de leur veste neuve. Ceci m'a rappelé une première communion, moins joyeuse que les premières communions ne le sont d'ordinaire, à laquelle j'assistais il y a 15 ans, alors que, vivant en province, j'allais quelquefois, autorisé par un lointain parentage, surprendre le bon abbé Trotabas, curé de Dromont-le-Haut, vers l'heure de son déjeuner, et lui boire cet incomparable vin de Dromont-le-Bas à bouquet de framboises, qui me versait par petits verres tout en m'appelant mécréant. Le jour dont je veux vous parler, je trouvais Dromont sans dessus-dessous. Le presbytère était fermé. Les cloches, non, LA cloche, car il n'y a qu'une cloche à Dromont, carillonna à toute volée dans l'air bleu, éveillait l'écho des rochers et faisait taire les cigales. « C'est la première communion, » me dit une vieille qui se chauffait au soleil en filant de la bourre de coco sur sa quenouille. « La première communion ? Je tombe mal, » pensais-je. « Monsieur Trotabas va sans doute être fort occupé aujourd'hui. » Et, tout en regrettant ma course perdue, j'avais compté cet après-midi-là décider le digne volontiers braconnier entre deux messes, à essayer d'une tendue aux merles dans un vallon broussailleux par moi découvert, je me dirigeais du côté de l'église. Au dehors, il sentait bon l'encens et les fleurs. Au dedans, une petite fille, pauvrement vêtue, en robe de calicot blanc, ses cheveux d'or ébouriffés, achevait de communier, toute seule. Toute seule? Était-ce là vraiment cette fameuse première communion de l'abbé Trotabas, curé de Dromont-le-Haut, en l'honneur de laquelle les cloches menaient un tel vacarme ?